Suggestion par Jules Lhermina. 30 ans, beau garçon, brun, un peu pâle. Frédéric était follement amoureux de Madame Berthe, 22 ans, jolie créature blonde, rosée, qui, félinement, miroitait après un remariage, étant veuve et ayant gardé, paraît-il, douce saveur de la première friandise. Depuis un an, cavalier servant, il aspirait au rôle de fournisseur breveté des bonbons conjugaux, caramel de caresse, fondant de baisers et autres menus papillotes. Il est bien entendu qu'il rêvait la patente légale et ne se fut pas permis de songer au rôle de marchand ambulant. Donc, pourquoi n'avait-il pas encore acquis le droit de signer son bail et d'ouvrir sa confiserie? Par cette seule raison qu'un usage, peut-être étrange, mais persistant, exige jusqu'ici que le marchand offre ses échantillons et nettement pose sa candidature à la clientèle. Il ferait beau voir que vous eussiez, mesdames, à mettre les premières la main sur la clé du magasin. Or, Frédéric était essentiellement timide, nerveux à l'excès, et n'ayant rien d'un gaudissard d'amour, ne pouvait se résigner à faire franchement l'article. En termes moins imagés, il lui avait été impossible jusque-là de proférer l'aveu attendu. Chaque jour, il arrivait au bas de l'escalier, le cœur plein de protestations, les lèvres chaudes de supplications, la langue vivante de mots persuasifs. Il entrait avec la décision d'un obus, sûr de sa mélinite. Mais dès que Madame Berthe avait posé sur ses yeux noirs le doux rayon de ses yeux bleus, Frédéric, interdit, lui demandait s'il avait lu le dernier roman d'Onet, ce à quoi il eût été difficile, reconnaissons-le, de répondre par « Toute ma vie est à vous ». Si bien que la question n'étant jamais posée, la réponse jamais ne venait et que Frédéric, désespéré, s'adressait à huis clos les reproches les plus violents et vaguement songeait au suicide. Il acheta un perroquet. C'était l'heure du crépuscule, favorable à la rêverie et conseillère de tristesse. Navré, navrant, Frédéric déambulait le long du quai, caressant la scène de son œil enamouré, et cherchait instinctivement un flot propice au trépas, en un point assez éloigné des secours noyés, pour qu'il n'eût pas à redouter l'intrusion de l'inévitable sauveteur affamé de médailles. Quand tout à coup, des couacs d'une mélodie relative frappèrent son oreille. Il tourna sa tête alourdie par la méditation et vit qu'il se trouvait devant une boutique de marchands d'oiseaux et devant des cages multiples où des canaris bien stylés faisaient le boniment. Auprès d'un singe qui attirait les dames, il vit, sur son perchoir, un perroquet. « Animal rarissime, unique !» dit le marchand qui avait le crâne chauve du vautour. « Le Psittacus erythacus, l'oiseau-homme de Brelin, aussi supérieur au stupide ara, que monsieur a un imbécile. Le truc paro, le perroquet type, venu tout droit du pays de Wan. Voyez, plumage d'un gris cendré bleuâtre, bec noir, queue rouge sang, l'œil, oui, l'œil, riposta Frédéric avec un léger frisson. Vulgo, un chat dans le dos. Pupille d'un noir vif, avec tour blanc. Combien ? Demanda Frédéric. 500 francs. Frédéric acheta le perroquet et ajouta 2 francs pour un sabot. Puis, muni de sa quittance, où il y avait un timbre de 10 centimes d'ailleurs réclamé par le marchand, il sortit de la boutique en portant la bête dans le sabot à bout de bras. Pourquoi cette dépense qu'un magistrat à idée étroite aurait sans aucun doute qualifiée de somptuaire? Frédéric, quoiqu'ayant appris le grec autrefois, ne se connaissait pas lui-même. Il eût été fort difficile de répondre. Or, voici la vérité. Il avait obéi à un ordre supérieur, inexpliqué, mais positif, que lui avait intimé l'œil du Psittacus, l'œil noir, cerclé de blanc, l'avait fasciné, conquis, happé, et c'était là un effet que Frédéric avait déjà maintes fois ressenti, car ainsi il avait été fasciné, conquis, happé par l'œil bleu de Madame Berthe. Alors que d'une prunelle, par lui regarder, jaillissait le rayon, aiguille lumineuse et pénétrante, cette pointe pénétrait jusqu'à son cerveau. L'impression était singulière, faite à la fois de défaillance et de crainte. Il venait une sensation de chaleur à la nuque, une contraction des tempes, et il perdait, ainsi qu'on l'a vu d'ailleurs, toute énergie, toute faculté de résistance. Tel il faiblissait devant la bien-aimée, tel il s'était abandonné devant le truc paro, et effet bizarre, qui tenait évidemment aux arcanes les plus intimes de sa constitution. Frédéric était rentré chez lui, pensif, troublé, le bras fatigué et le cou raidi. La bête de 500 francs pesait plus lourd que son poids d'or. Une fois seul, en sa chambre parfumée de cigares et de rêves, il avait ouvert le sabot d'un coup d'ongle sec. Le perroquet, tout d'abord, n'avait pas bougé, défiant sans doute par expérience des hommes et des choses. Puis, avec un ébrouement de plumes, il était sorti du sabot, s'était posé en vedette sur le rebord de bois, sentant le vent, et enfin, décidé, s'était allé percher sur le dossier d'un fauteuil. Là, il était resté immobile, impassible. L'œil rond, cerclé de blanc, était fixe, avec au centre une flamme de diamant. Frédéric, acheteur qui n'avait rien d'un maître, s'était assis en face de lui, les deux mains sur ses genoux, les jambes repliées sous le siège, le cou tendu, regardant l'animal. Il le regardait trop, obéissant à une attraction qu'il sentait invincible, à l'attraction de cet œil noir, cerclé de blanc, qui avait une flamme de diamant au centre. Il réfléchissait cependant en ce sens que l'idée travaillait à son insu en quelque sorte dans son cerveau. Il savait qu'à cette même heure, à cette minute précise, Madame Berthe, doucement à côté en son canapé soyeux, des bleuets piqués dans ses cheveux blonds, ses petits pieds, qui avaient droit au nom de Peton, battant impatiemment le tapis, l'attendait, lui, l'ingrat, peut-être comptant les minutes, attendant le grelottement du timbre électrique qui tapote si délicieusement les cœurs aimants. Ah, s'il savait, s'il pouvait deviner que Frédéric, qu'elle désirait tutoyer, est à cette seconde qui passe, affalé sur une chaise basse, pâle, le cœur affadi, contemplant un perroquet, payé tout à l'heure 20 louis, comme la dernière des courtisanes. Du reste, le perroquet, classifié par les naturalistes, devait concevoir une bien petite idée de cet homme, qui l'ayant acheté comme un esclave, avait en somme l'air très bête. Et ce mépris latent, mais évidemment réel, s'affirmait par la fixité de cet œil à la flamme qui ne daignait même pas cligner. Soudain, Frédéric eut une révolte contre la fatalité, contre la stupidité, contre lui-même. Se dressant tout à coup, les mains crispées dans ses cheveux, il se mit à marcher à grands pas dans sa chambre, criant « Mais va donc, imbécile, va donc, crétin, cours chez Madame Berthe, gravit l'escalier 4 à 4, tombe à ses genoux et crie-lui « Je vous aime, je vous adore, ma femme, ma femme !» Il s'interrompit dans un sanglot, banné par l'effort. « Non, il n'oserait jamais, il était lâche. Comme tous les jours, il partirait armé d'une résolution invincible et puis, rien, rien. » Et s'avouant son indignité, Frédéric s'arrêta, revint à sa chaise, s'y posa les mains sur les genoux, le menton en avant, et de nouveau fixa son regard sur l'œil, cerclé de blanc, qui avait au centre une flamme de diamant. Une torpeur l'envahissait, engourdissement semblable à celui que doit ressentir, selon la légende, le colibri fasciné par le serpent. Il ne résistait plus, c'était une détente de tout son organisme, une désertion cérébrale, le sommeil, l'hypnotisme. Lors le perroquet dit « Mais va donc, imbécile, va donc, crétin, cours chez Madame Berthe, dis-lui, je vous aime, ma femme, ma femme !» Suggestion. Frédéric obéit, réellement esclave, lui. Pâle, avec un pas d'automate, il sortit de chez lui, courut au domicile de l'adorée, bouscula la concierge dans l'escalier, écarta brutalement la camériste, se rua dans le boudoir et cria « Je vous aime, ma femme !» Quand l'effet hypnotique se dissipa, il était trop tard pour être timide. Ils se marièrent. Quant au perroquet, Frédéric ayant dans son trouble négligé de fermer la porte de son appartement, l'animal était parti et était retourné chez le marchand du quai, à crainte de vautours, qui le revendit à un mari désireux de faire croire à sa femme qu'il avait passé une nuit au Havre. C'était Suggestion par Jules Lermina.